cours numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر الحث على لزوم الرضا في الشدائد والصبر عليها. Le 28e chapitre de ce kitab روضة العقلاء. Après التوكل رحمة الله عليه il a cité هذا الباب الذي اشتمل على أمرين عظيمين. Ce chapitre il englobe deux points très très importants. Rida ou sabr. Ces deux points, ils sont liés au qadr, au destin, au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le chapitre précédent. Fal mu'min, idha tawakkala 'ala Allah, s'il place sa confiance en Allah azza wa jalla. Fal shakna hadha at-tawakkul, il va lui faciliter beaucoup de choses. Et c'est une ibada 'azima. Et c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala il aime هذا العبد. Inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kadhalik, c'est une cause pour que ce musulman, cette musulmane, il soit préservé. Kadhalik, vu que l'insan fi hadhihi ad-dunya, il est éprouvé, il sera éprouvé. Fala bud min sabr. La bud min sabr. Le mu'min, il est obligé de patienter. Limadha? Li'anna le chemin Il est rempli d'épreuves. Ce bas monde, c'est une demeure où le mu'min il est testé. Darul bala, darul imtihan. Falihada, al-ulama yathkurun mitl hadhihi al-abwab pour faciliter au mu'min. Travailler sur ces points, nous réformer, nous améliorer. Wa taqaddam ma'ana anna tout cela c'est lié à ma'rifatullahi azza wa jalla. Il y en a celui qui connaît Allah, haqq al-ba'rifa, celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît les attributs d'Allah azza wa jal. La chacun avec cette connaissance, bitawfiqillahi azza wa jal, il aura beaucoup plus de facilité à placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Li'annahu, il sera convaincu, aucun doute, une certitude complète en Allah azza wa jal, c'est al-qawi. C'est le Qadir, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui possède tout. Enfin, il n'y a aucun doute en ce mu'min, il va placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Kadhalika al-sabr wa al-rida. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Et il sait que al-mar yubdala ala qadr dini. Le croyant, il est éprouvé par rapport à son din. Il sait que, ou ce mu'min, il sait qu'il aura besoin de hadha zad al-azim, cette provision. Une provision très très importante que le mu'min il a besoin pour ce voyage. Dans ce bas monde, on est de passage. On est comme des voyageurs et on devrait être comme des voyageurs. Enfin, le voyageur, il a besoin de provisions et parmi les provisions les plus profitables pour le mu'min, c'est as-sabr, la patience. قال رحمه الله ذكر الحث على لزوم الرضا في الشدائد والصبر عليها. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن علي ابن المثنى بالموصل قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا ابن المبارك الإمام قال أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون الى يوم القيامه. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, c'est le qalam. اول ما خلق الله القلم. Allah subhanahu wa ta'ala amara hadha al makhluq. Il a ordonné à ce qalam, à cette plume d'écrire. D'écrire quoi? قَالَ مَا يَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et tout ce qui se passera jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour dernier. أي لو ذكر الله سبحانه وتعالى القدر. تذكرون أن dans باب التوكل الإمام ابن حبان رحمه الله كذلك il a cité un hadith sur القدر. قوله عليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة سنة. Et on avait précisé que fi Sahih Muslim, et bi 50 alf sana, 50 000 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et on a déjà répondu dans le dars précédent, l'imada al-mu'allif rahimahullah, dans ce genre de chapitre, ces adorations du cœur, at-tawakkul, placer sa confiance en Allah, as-sabr, la patience, ar-rida, kadhalik, être satisfait. Tout ça, c'est des adorations du cœur. L'imada, rahmatullah alayh, il a cité des hadiths sur al-qadr. Et ça montre fiqh, hadha al-imam, rahmatullah alayh. Et comme on l'a dit dans le cours précédent, le lien il est clair. Celui qui a la certitude que tout est écrit, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de toutes choses, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui donne à qui il veut subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, azza wa jal, ça va, ce mu'taqad, ce iman, cette foi au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va avoir pour conséquence des fruits. Thamarat azima. Et parmi ces fruits, anna hadha al-abd, il va placer sa confiance en Allah. Hadha al-abd, il va patienter. Bel, il peut atteindre un niveau encore plus élevé. Annahu yarda. Annahu, il est satisfait. Bel, il peut atteindre encore un niveau encore plus élevé. Yashkur. Il est reconnaissant. Même en cas d'épreuve. Le fait d'avoir cité ce hadith huna, ça montre fiqh hadha al-imam. On peut citer d'autres adillah min al-Qur'an sur as-sabr, qawluhu azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'allakum tuflihun. Dans ce verset, fa'idatun azima, anna min a'zam asbab al-falah, si tu veux réussir, akhi al-karim, ici-bas et dans l'au-delà, fala bud min as-sabr. فلهذا الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا سأخطب pour الجميع يا الله سبحانه وتعالى il a cité ce verset, il a révélé ce verset pour tous les croyants. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا ça nous montre أن la patience c'est une cause, une des plus grandes causes pour réussir. كذلك قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك الصابر, celui qui patiente, Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé une énorme récompense. لماذا لأن celui qui patiente, il patiente pour Allah azza wa jal. Celui qui patiente, il patiente parce qu'il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala yuhib as-sabirin. Et il est ma'a as-sabirin, inna Allah ma'a as-sabirin. Il a promis cette énorme récompense. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الرضا بالمصاب كالفقر والمرض والذل. On cite الحكم أولا. Est-ce que c'est obligé de patienter? Est-ce que c'est recommandé? الرضا كذلك. Est-ce que c'est obligé d'être satisfait face aux épreuves? كذلك on citera بإذن الله عز وجل la différence entre الصبر والرضا. On commence par الحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرضا بالمصاب كالفقر والمرض والذل. Donc le fait d'être satisfait lors de ce genre d'épreuve, la pauvreté, la maladie. قال مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل إنه واجب. Donc les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit que c'était obligatoire rida, d'être satisfait quand on est touché par une épreuve. Et d'autres savants ils ont dit c'est recommandé. قال والصحيح أن الواجب هو الصبر. الصحيح, l'avis le plus juste, c'est que la patience est obligatoire. أما الرضا, le fait d'être satisfait quand tu tombes malade, quand tu es touché par la pauvreté, par une épreuve, فهذا c'est مستحب, c'est recommandé. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين أو عدة الصابرين وبعضهم يدز عدة بعضهم يدز عدة. قال الصبر حبس اللسان عن الشكوى. Ça c'est un تعريف جميل. فتأملوا. C'est quoi la patience? La patience, الصبر, c'est الحبس. C'est le fait de retenir, contenir. الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله. C'est le fait de retenir sa langue. Quand on est touché par une épreuve, retenir notre langue et ne pas se plaindre auprès des créatures. لماذا؟ لأن la créature elle est comme toi, elle est éprouvée comme toi, elle a les mêmes faiblesses que toi. On n'a pas le droit de se plaindre auprès de la créature et on délaisse le fait de revenir au créateur subhanahu wa ta'ala. فحبس اللسان, retenir cette langue. لماذا؟ لأن en cas d'épreuve, en cas de difficulté, l'insan s'il patiente pas, s'il retient pas cette langue, probablement cette langue elle dit des choses très très graves. فحبس اللسان عن الشكوى الى غير الله. تستفيد من هذا ان cette langue dans ce moment, dans cette épreuve, dans cette difficulté, utilise-la pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la chose la plus profitable. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de cause. Tu as le droit de parler, de demander certaines choses dans al-mushru', dans le mubah. Ça c'est autre chose. Lakin, ne pas négliger ce point. Ça fait partie de l'iman, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en cas de difficulté. Et l'insan, même si il peut être une cause pour aider son frère, comme les gens, ils peuvent et ils ne veulent pas. Comme les gens, ils peuvent, mais ils ont des manquements. Comme les gens, tu crois qu'ils peuvent et en fait, leurs capacités sont très très limitées. Amma revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit avoir aucun doute que c'est la solution. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis. Wallah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Si tu lui demandes akhi al-karim, il te répondra. Qala rahimahullah. On continue at-ta'rif. As-sabr habsu al-lisan 'an ash-shakwa ila ghayrillah wal-qalb 'an at-tasakhkhut. Donc maîtriser, contenir cette langue. Vous connaissez tous le mot abun habs, il l'emploie, c'est un mot arabe pour désigner la prison, quelqu'un qui est enfermé. Fa hakada habsu al-lisan, tu enfermes cette langue. Comme si elle est emprisonnée. وَهَكَذَا الْقَلْبِ عَنِ التَّسَخُطِ. Même le cœur, la langue et le cœur. Ce cœur, il ne tombe pas dans le désespoir. تَسَخُطِ. Il n'est pas d'accord. يَدَمْ بِاللَّهِ. Et tout ce qui arrive, c'est بِقَدَرِ اللَّهِ. Donc, on doit faire attention avec notre langue et notre cœur. قَالَ وَالْجَوَارِحَ عَنِ اللَّطْمُ وَالشَّقَ الثِّيَابُ وَنَحْوِهَا. كَذَلِكَ الْجَوَارِحَ. Il a cité certains exemples. Jawarih, c'est les membres. Et celui qui patiente, il doit se maîtriser. On t'a informé de quelque chose de azim, la perte d'un proche, une maladie. En tant qu'être humain, chacun de vous, c'est difficile. Lakin fi hadha al-hal, si tu patientes, et tu dois patienter, c'est une obligation, maîtrise ta langue. Et si on réfléchit quelques instants, qu'est-ce que ça va changer? Le fait de dire telle ou telle chose, des paroles qui ne sont pas profitables, des paroles néfastes, qu'est-ce que ça va changer si on a perdu un proche? Ça ne va rien changer. Ce proche, il ne reviendra pas. L'insan, il doit se préparer. Il y en a, c'est facile, de lire le ta'rif. La définition, c'est très très simple de la lire et de la comprendre. Là, qu'il l'a mise en application. Et on verra ensemble, inshallah, dans la lecture de ce chapitre, une préparation pour As-Sabr. Qala والجوارح يعني اللطم نعم شق الثياب لأن البعض quand ils apprennent une mauvaise nouvelle la perte d'un proche مثلا بعضهم ils se gifle بعضهم ils se griffe بعضهم ils s'arrachent les cheveux بعضهم عياذا بالله ils insultent لعن ils sont pas d'accord فنعوذ بالله من هذه الأخلاق فهذا تعريف الصبر بقي الفرق la différence entre الصبر والرضا. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, il a un kalam jamil fi Jami' al-Ulum wal-Hikam. Vous avez remarqué que nanqul kathiran an hadha al-Imam et surtout de ce livre. On a déjà étudié résumé un de ses livres Walillahi al-Hamd la Ta'if al-Ma'arif sur les mois de l'année et il a un autre ouvrage très très bénéfique Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et l'explication des 40 hadiths de l'Imam al-Nawawi et il a rajouté 8 hadiths pour compléter 50. Dans ce livre, il a cité Al-Farq. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, كذلك, il a cité à peu près la même différence. قال الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم. Donc, الصبر, c'est le fait de se retenir, de se contenir, ne pas se laisser aller, de maîtriser sa langue, ses membres, et كذلك, ne pas se plaindre, ne pas maudire, ne pas insulter lors d'une épreuve. Ce point il est important. Al-alam, c'est la douleur. En tant qu'être humain, c'est tout à fait normal d'avoir mal. On t'annonce la perte d'un parent, d'un enfant. Là, je sais que ça fait mal. Et c'est tout à fait normal. فَلِهَذَا قَالَ كَفُّ النَّفْسِ وَحَبْسُهَا عَنِ التَّصَخُّطْ مَعَ وُجُودِ الْأَلَمِ. Il ressent cette douleur. Il est attristé. Alors Obama, il pleurera. Et il faudra un certain temps pour s'en remettre. لَكِنْ مَعَ هَذَا. Il maîtrise sa langue. Il maîtrise son cœur. Et il maîtrise ses membres. C'est ça, sobre. قال وتمني زوال ذلك الصابر. Il espérera que cette épreuve elle disparaît. قال وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع. Il maîtrise ses membres. قال والرضا. Donc le deuxième point, الرضا, la satisfaction. انشراح الصدر وسعته بالقضاء. تأمل أن الرضا. Il n'y a aucun doute que c'est un degré plus élevé que le sabr. Al-Radi, celui qui est satisfait, il est munchari al-sadr. Il a le cœur apaisé. قال وسعته بالقضاء. لماذا؟ لأنه il a un iman, il a la foi. Iman قوي في القضاء والقدر. Ça ne veut pas dire que celui qui patiente, il ne croit pas au qadr. نعوذ بالله. Là, celui qui ne croit pas au qadr, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas un mu'min. Là, لكن Radi, sa foi elle est plus complète في هذا. C'est pour ça que ça lui permet d'être apaisé. قال وترك تمني زوال ذلك المؤلم. Tellement qu'il est radi, il est satisfait, il n'espère pas que cette épreuve elle disparaisse. Il est radi, il est satisfait, il sait que c'est un bien pour lui. Contrairement à celui qui patiente, il voudrait que ça disparaisse. Ça c'est une des deux différences. قال وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخفف لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. On revient à la notion de douleur. Ça fait mal quand tu apprends une nouvelle, quand tu es touché par une épreuve. Radi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas cette douleur. Il y en a, ça reste un être humain. Cette douleur, elle est présente. قال لكن الرضا يخففه. لكن هذا الرضا, cette douleur, elle est diminuée. Ça ne lui fera pas beaucoup de mal. Ben, ça ne lui fera pas de mal du tout. Cette douleur, c'est normal, c'est un être humain. Lakin, elle diminue jiddan avec al-rida. قال لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة. C'est ça, la cause. Comment faire pour atteindre هذا الرضا? Et quand on est touché par une épreuve, on reste calme, on reste apaisé. Bardonnaise, ils sont touchés par des épreuves et patientes, lakin, ça les rend malades. Ça les ronge de l'intérieur. Bardom, ils font des dépressions. Bardom, ils finissent à l'hôpital. Mais non, ils patientent. Lakin, ils gardent tout en eux. Et ça leur fait beaucoup de mal. Quand ils perdent un enfant. Enfin, la solution, c'est de faire des efforts. فَلِهَذَا قَالَ إِبْنُ رَجَبْ رَحِمَهُ اللَّهِ لِمَا يُبَاشِرَ الْقَلْبِ. La solution. Pourquoi il a atteint ce niveau de rida? Il est satisfait. Et cette douleur, elle est très, très diminuée. Il est satisfait. قَالَ لِمَا يُبَاشِرَ الْقَلْبِ. Il y a son cœur, il y a ces deux choses. اليقين والمعرفة. Et c'est lié. Il a اليقين. Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts في المعرفة. المعرفة, c'est les connaissances. أي العلم. Vu que son cœur, il est rempli de علم. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. Il connaît sa aqidah, il connaît sa foi. Et il a اليقين, il n'a aucun doute. Enfin, ces deux points, ça lui facilite. قَالَ وَإِذَا قَوِيَ الرِّضَى فَقَدْ يُزِيلَ الْإِحْسَاسِ بِالْأَلَمْ بِالْكُلِّيَّ. Et ça, c'est un autre niveau. Ça nous montre il y a plusieurs degrés. On n'est pas tous au même niveau dans la patience. Certains patientent beaucoup, d'autres y patientent moins, d'autres y patientent presque pas, d'autres y patientent pas du tout. Certains ils sont satisfaits et d'autres ils ont vraiment atteint haut niveau dans la satisfaction. Et Vardanes, tellement qu'ils sont ravis. Ils sont satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété, ils ne ressentent plus de douleur, même quand ils sont éprouvés. هناك انتهى كلام ابن رجب رحمة الله عليه. La parole d'Ibn Rajab elle est finie. Et on va pas citer une autre daraja qui est encore plus élevée que Riva. On l'a déjà cité avant dans d'autres cours. C'est manzilatu darajatu ash-shukr. Encore plus élevé que la satisfaction, le fait d'être reconnaissant. Il patiente. Il est satisfait et il est reconnaissant. Il est reconnaissant pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a éprouvé. Ça c'est une daraja aliyah. Nas'alullah azza wa jal min fadlihi. Ça, c'est certaines notions sur As-Sabr ou Rida pour bien comprendre Kalam Ibn Hibban, rahmatullah alayhi. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل أن يعلم أن الأشياء كلها قد فرغ منها فمنها ما هو كائن لا محالة وما لا يكون فلا حيلة في تكوينه للخلق فإن دفعه الوقت إلى حال شدة يجب أن يتزر بإزار له طرفان أحدهما الصبر والآخر الرضا قال رحمه الله الواجب C'est une obligation pour l'aql. An ya'lam anna al-ashya kullaha qad furiga minha. Ay, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit. Ça nous montre anna celui qui est, on le répète, qui est qawi fi hada al-bab, le bab du qadar, du destin, cette aqida, elle va lui permettre de comprendre hada. Anna, ça ne sert à rien de crier, d'arracher ses vêtements, de s'arracher les cheveux lors d'une mauvaise nouvelle. L'imam Ali Anna, cette chose, elle était décrétée avant que tu sois créé, Akhil Karim. On répète, il a cité ce hadith, Fil Qadar, pour ce chapitre sur la patience. Et le lien, il est clair. Qala faminha ma huwa ka'in. Wa ma la yakun fala hilata fi takwinihi lil khalq. Certaines choses, elles arriveront, qu'on le veuille ou non, une maladie, de la pauvreté ou autre. Et d'autres choses, elles n'arriveront pas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide. C'est lui le créateur. Le mu'min, il doit rester calme. Il doit accepter qadarillahi azza wa jal. Qala, fa'in dafa'ahu al-waqt ila hal shiddatin yajibu an yattazira bi'izarin lahu tarafan. Et si tu es éprouvé, et tous les croyants, ils sont éprouvés, chacun par rapport à son niveau de foi, Ibn Hibban, rahimahullah, il a donné cette image. Si tu es éprouvé, tu dois te vêtir de ce vêtement. Ce vêtement qui est en deux parties. Aïe, ce vêtement qui va te protéger, te préserver de cette épreuve. Qala lahu tarafan. Ce vêtement, il est fait de deux parties. La première, qala as-sabr, la patience. La deuxième, rida, la satisfaction. Qala لتستوفي كمال الدخر بفعله ذلك فكم من شدة قد صعوبت وتعذر زوالها على العالم بأسره ثم فرج عنها السهل في أقل من لحظة كلام جميل Le fait de réfléchir comme cela, ça facilite beaucoup. كم من شدة, كما قال, قد صعوبت. Des choses qui touchent la plupart des gens. Comme ce qu'on vit l'âme. Avec cette belle oie, ce virus qui est propagé et qui a mis beaucoup de gens dans la difficulté, niveau santé, niveau économique, niveau déplacement. Bard al-Muslimin, ils veulent faire le hajj, ils ne peuvent plus. Bard al-Muslimin, ils veulent rentrer dans leur pays d'origine, ils ont du mal. C'est une fitna azim, c'est une belle oie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé l'ibad. Bi hadha al-marad, qala ta'adhra zawaluhu ala al-alam bi asrih. Cette épreuve, elle touche la planète entière. C'est pour ça qu'on a cité l'exemple de cette pandémie. Thumma furija anha as-sahlu fi aqal min lahza. Thumma ya'ti al-faraj min Allah subhanahu wa ta'ala en un instant. Lahza. Lahza, c'est un instant très court. Hakadha akhi, si tu es éprouvé par une maladie, tu es éprouvé par la pauvreté, tu es éprouvé par n'importe quelle épreuve, i'lam anna les épreuves, ça reste pas. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a forcément une facilité. Ah là, ça aide. Ah, mais celui qui n'arrête pas de se plaindre et qui dit des choses, qui fréquente des gens, qui aggravent sa situation. Bordel, ils sont éprouvés, ils parlent que cette épreuve, ils parlent que des côtés négatifs. Ben, pardon, tu les conseilles, tu essayes de les rassurer. Annahu, il y a du khayr, annahu. Il n'accepte pas et il appuie où que ça fait mal. Enfin, ah, oulala, chaque annahu, mais ils se feront beaucoup de mal, ils se font beaucoup de mal. On doit essayer de se rendre les choses faciles, à se faire du mal nous-mêmes. Ça, c'est pas min al-hikma. Et ça, كذلك, c'est pas min al-aql, al-sarih, al-rajih. ثم قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأزدي قال سألنا سلمان ما الإيمان بالقدر قال إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما جاء في بعض الأحاديث. نعم، إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. Ils ont posé la question à Salman رضي الله عنه sur le qadar. C'est quoi l'iman bil qadar? Une définition. قال رحمه الله رضي الله عنه إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه علم ويقين أن تسكن توش لم يكن ليخطئه. Ça ne pouvait pas t'éviter. Forcément, tu allais être touché par cette chose. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراده وكتبه وقدره وخلقه. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu cette chose, il a créé cette chose et il a décrété que cette chose, elle te touche. Tu ne peux rien faire. قال وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كذلك ما أخطأ, une chose que Allah il ne t'a pas qadr, tu ne peux pas la voir. Quand on a dit tu ne peux rien faire, ça ne veut pas dire qu'on délaisse les causes. Tadkurun dans notre étude de certains livres de Al-Aqidah, on avait cité Kalam Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres, an hadha al-bab al-azim, vu que ça fait partie de l'invisible pour nous, on ne sait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour nous. Donc, anta fi al-asbab, fais les causes. Tu as plusieurs situations. Al-qadr, tu as l'instant présent, tu as l'instant passé, tu as l'instant futur. Le passé, tu sais ce que Allah il a qadr, limada li annahu sa'arrivé. Fa tu appliques hadha ida alima al-'abd anna ma asabahu lam yakun li ukhti'a wa ma akhta'a lam yakun li yusiba. Les choses qui sont passées, ce que tu as eu comme épreuve, fa ça sert à rien de te lamenter et de rester sur ça, ça te fera beaucoup de mal. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété ça arrivé, avance et tire des leçons. L'instant présent, fais les causes. كذلك pour le futur, fais les causes. Les madal yanna, tu sais pas, fais les causes. Et quand une chose arrive, tu as fait les causes, falhamdulillah. Cette chose qui est arrivée, elle fait partie du passé. Et tu patientes et tu appliques hadha. Aïe, al-iman bil-qadar, et tu n'as pas besoin de te lamenter. قال وأنشدني الأبرش هون على نفسك من سعيها فليس ما قدر مردود وارض بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود. بيت أو أبيات جميلة. هون على نفسك. هون على نفسك, c'est arrête de te faire du mal. هون, c'est allège. Essaye d'alléger. على نفسك من سعيها. فليس ما قدر مردود. لماذا؟ لأنه ما قدره الله سبحانه وتعالى, forcément ça arrivera. الإنسان, il ne peut pas repousser le qadr أبدا. فلماذا se faire du mal؟ لا, le qadr, quand il arrive, tu dois patienter. Et encore plus, un degré plus élevé, tu dois être satisfait. Encore plus élevé, tu dois être reconnaissant. قال ورضى بحكم الله في خلقه كل قضاء الله محمود. Tout ce que Allah il a décrété, c'est Mahmoud. Tout ce que Allah il a décrété, c'est Mahmoud. La chose en elle-même, ça peut être une épreuve. Ça peut être une fitna, ça peut être quelque chose de très difficile. Lakin, si tu patientes, les conséquences de cette chose, c'est forcément Mahmoud. L'imada, il y en a celui qui a tout décrété, c'est le Hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, c'est du khayr. Donc forcément, il y a un bien. Lakin, ça dépendra de هذا الانسان, de cet être humain. Maintenant, tu es touché par une maladie. La maladie en elle-même, c'est quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'on demande tous à Allah subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiyah. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné des choses pour repousser la maladie, pour essayer de se guérir. Lakin, si tu tombes malade, on applique le verset hawwin ala nafsik min sa'iha falaysa ma qudira mardoud. Calme-toi et reste tranquille. Limada, il y en a cette maladie, elle t'a touché. Allah, il a qadr. En te plaignant, tu ne vas pas redevenir en bonne santé. Belle, tu peux aggraver ton cas. Fafiyad al-hal, il se calme. Et yuhsin al-dhan billah. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Et si on applique la deuxième partie, warda bi hukmillahi fi khalqih, ça c'est un haut niveau, un rida, comme on a expliqué. Sois satisfait. Limada, kullu qada illahi mahmoudu. Limada, li anna. Cette maladie, c'est une ni'ma, c'est un bienfait pour toi. Combien de dhunoub Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner? Des dhunoub que toi-même tu as oublié peut-être. Tu as fait peut-être certains péchés, on fait tous des péchés, et certains péchés, avec le temps, on les oublie. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas, il sait tout. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut ton bien, il t'éprouve avec une maladie. Hatta yawm al-qiyama, tu arrives, et alhamdulillah, tu as, Allah subhanahu wa ta'ala, khafafa alayk. Bal ja'a fil hadith, anna ba'd al-nas, ba'd al-mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala, il les éprouve tellement, que yawm al-qiyama, ils seront ressuscités, et ils n'ont plus aucun péché. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas de péché. Là, ils en ont fait, comme tout être humain. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu infaillible, min al-anbiya wa rasul. Lakin leur péché, Allah, il leur a pardonné fi dunya, avec les épreuves. Là, c'est une ni'ma azim. Ta'amma al-hal al-kuffar. Ba'dhum, ils ne tombent jamais malades. Ba'dhum, ils se déplacent min ni'ma ila ni'ma. Min ni'ma dunya. Des choses éphémères. Bonne santé, voyage. Ils achètent beaucoup de choses, ils ont un certain confort. Alakin, wallahi, c'est une niqma. Ça les éloigne de la vérité. Et ils mourront comme tout le monde. Wa'adul mu'minin, ils sont éprouvés. Dites, alakin, c'est un énorme bien. Et on revient à un principe de base. Ce qui facilite à patienter et à être satisfait, bien sûr, avec l'iman bil qadar, la foi au destin, c'est de connaître manzilat hadhihi dar. Et là, on l'a vu dans les chapitres précédents. Celui qui connaît la réalité de cette dunya, même s'il est éprouvé, il sait que cette dunya n'en vaut pas la peine. Tu ne perds pas grand-chose. Bardenas, à cause de la faiblesse de foi, ou hal al-kuffar, ils n'ont pas de foi du tout, ils tombent malades, qu'Anahu, il est privé de beaucoup de choses, il veut profiter. Et ça les rend tristes, il a akhiré. Al-mu'min, khasat al-qawi, al-iman, il sait très bien que hadhihi ad-dar, elle disparaîtra, il sait très bien qu'il... S'il meurt à la tawhid ou l'iman, il profitera fil jannah. C'est une période très très courte. Qala rahimahullah. On va directement au athar numéro 520. Qala akhbarana al-qattan bil-raqqa. Qala haddathana Ahmad ibn Abi al-Hawari. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Umayr. An ata'in al-azraq. An Abdul Wahid ibn Zayd. Qala qultu lil-Hasan ya Aba Sa'id. Abu Sa'id al-Hassan al-Basri rahmatullah alayhi al-imam min ayna utiya hadha al-khuluq et dans une nusra al-khalq qala min qillat ar-ridha 'anillah qultu wa min ayna utiya qillat ar-ridha 'anillah qala min qillat al-ma'rifa billah. Ils ont posé la question al-Hassan al-Basri sur la situation de certains. Pourquoi ils sont dans cette situation, une mauvaise situation? Qala min qillat ar-ridha 'anillah. Les malades, les naoms, ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits de ce que Allah il a décrété, ce que Allah il leur a donné. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? C'est quoi la cause? Les malades, les naoms, ils n'ont pas fait des efforts pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance la plus profitable. A'zam al-wajibat. Awwal al-wajibat. Awwal al-fara'id. C'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. تقدم معنا هذا dans الأصول الثلاث معرفة الله سبحانه وتعالى. Celui qui connaît Allah سبحانه وتعالى حق المعرفة, il aura des facilités dans tout. Il aura des facilités quand il est touché par une épreuve. Il aura des facilités pour faire la hijra, comme on l'a vu dans le dars précédent sur le tawakkul. Il aura des facilités pour le comportement. Il aura des facilités avec les gens. لماذا لأنه يكون الله سبحانه وتعالى. Si tu connais vraiment Allah سبحانه وتعالى, tu connaîtras sa créature. Et tu espéreras d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'espéreras plus de ces créatures. Wa hakada. Qala Abu Hatim rahimahullah, yajibu ala al-aqil idha kana mubtadi'an an yalzama 'inda wurud ash-shiddati 'alayhi suluk as-sabr. Fa idha tamakkana minhu hina idhin yartaqi min darajati as-sabr ila darajati ar-ridha. Kama taqaddam anna ar-ridha, le fait d'être satisfait quand l'insan il est touché par une épreuve, c'est un niveau au-dessus de la patience. La satisfaction, c'est un niveau plus élevé. Donc, il n'y a aucun doute. Un al-aqil, il doit commencer walan par sobre. Celui qui ne patiente pas, il n'atteindra pas le niveau de rida. Celui qui a atteint le niveau de rida, forcément, il est patient. Donc, nous, la première étape qu'on doit faire, c'est de patienter. Qala, fa'il lam yurzaq sobran, fa'liyelzam at-tasabbur. Si tu ne patientes pas, ou tu as du mal à patienter, falzam at-tasabbur. At-tasabbur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette patience, tu dois la provoquer. On ne doit pas baisser les bras. الشيطان يحارب كثير من المؤمنين avec une choubha khatira وهي انك tu pourras pas. بعض المسلمين يبس très vite les bras. Tu lui dis patiente et il... vu qu'il est véridique et il connaît sa situation, il dit moi je peux pas. Moi je patiente pas, moi. Et miskin, il se fait beaucoup de mal. Là, si vraiment tu sens que tu ne patientes pas, tu as du mal à patienter, ne baisse pas les bras. Walzam at-tasabbur. Provoque hada as-sabr. Au lieu de parler, tais-toi. Au lieu de faire certains gestes, calme-toi. Et tu verras que celui qui fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. كذلك المسلم المؤمن يدوى دموندي في دعائي مثل هذه الأخلاق العظيمة وهذه العبادات الجليلة. On doit pas dans nos du'as demander que les choses de dunya. Là, si tu demandes في دعائك أن الله سبحانه وتعالى يرزقك التوكل عليه والصبر عند الشدائد والرضا فيما قدره عز وجل ستفغي غالي بغض de beaucoup de choses. On doit demander à Allah سبحانه وتعالى من فضله. قال ولو كان الصبر من الرجال لكان رجلا كريما إذ هو بذر الخير وأساس الطاعات. Si la patience elle prendrait la forme d'un homme, ça serait un homme karim, ça serait un homme très très généreux. قال إذ هو بذر الخير. Pourquoi? Parce que la patience c'est la base du bien. وأساس الطاعات. Et c'est le fondement de l'obéissance. Tout ça, c'est fondé sur as-sabr. Bal ja'a hadith fi as-sahihayn ay rawahu al-Bukhari wa Muslim anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr. Ma u'tiya ahadun, et on n'a pas donné à une personne une chose plus profitable, plus bénéfique que la patience. C'est pour ça que On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana as-sabr. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la patience, il lui a donné tout le bien. L'imam d'Aliana, cette patience, elle va lui ouvrir les portes à beaucoup de choses. Qala ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, wa laqad akhbarana Muhammad ibn Uthman al-Aqabi, qala haddathana Shu'aib ibn Abdillah ibn Muhammad al-Bazzaz, qala haddathana Ali ibn Ma'bad, عن أبي المليح عن ميمون بن مهران الإمام قال ما نال عبد شيئا من جسيم الخير من نبي أو غيره إلا بالصبر. Tous ceux qui ont réussi à atteindre leur objectif de bien, la science, la da'wa, même dans les choses de ce bas monde, celui qui veut atteindre ses objectifs encore plus fidénillah azza wa jal, فلا بد من صبر. La clé, c'est quoi? C'est la patience. Bien sûr, avec At-Tawfiq min Allah Azza wa Jal. Qala ma nala 'abdun shay'an min jasim al-khayr. Ma min 'abd, n'importe quel serviteur qui a réussi à acquérir un bien, min nabiyyin aw ghayri, que ce soit un prophète ou autre, illa bis-sabr, qu'avec la patience. Falihada asbara an-nas, ceux qui ont le plus patienté, c'était les prophètes et les messagers alayhim as-salatu wassalam. Et celui qui a le plus patienté parmi eux, c'était notre prophète Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Kam sabr. Il a patienté du temps, et avec cette patience, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité et ça a ouvert beaucoup de portes de bien. Kadhalik, il a éduqué ses compagnons radiyallahu anhum à cette patience. Kadhalik, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont éduqué les générations après eux. Nahnu, si on veut une part de bien, et on veut tous une part de bien, bi idhnillah azza wa jalla, on a les ingrédients, on a les causes. C'est as-sabr. Faire des efforts pour acquérir هذا الصبر. قال واخبرنا عمر ابن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن اخزم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال ايوب السختياني. Quand حماد بن زيد rapporte عن ايوب, c'est son cheikh. حماد ابن زيد ابو اسماعيل, c'est un grand imam. Et rapporte عن شيخه أيوب السختياني من أئمة السلف والهدى رحمة الله عليه قال إذ لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. كلام مختصر مفيد, très très profitable. إذا لم يكن ما تريد, si ce qui arrive tu ne le voulais pas, une chose من قدر الله عز وجل, Allah il a décrété pour toi une chose et cette chose tu ne la voulais pas à la base, une épreuve, une maladie ou autre, قال فأريد ما يكون. Enfin, si Allah il a décrété une chose que tu voulais pas, une fois que cette chose elle arrive, enfin, en tu dois la vouloir. إذا لم يكن ما تريد فأريد ما يكون. Personne n'espère la maladie, personne n'espère cette chose. Une fois que cette chose elle est arrivée, on doit essayer de tirer des profits. هذا معنى كلام أيوب رحمة الله عليه. Ça ne veut pas dire on espère. Abadan, les gens, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais une fois que tu es éprouvé, akhi al-karim. فالعاقل الموفق, il essaye de tirer des profits. Il essaye de tirer des profits et en aucun cas cette épreuve va disparaître avec les pleurs, avec les lasses, le fait de se lamenter, le fait de pleurer. On a le droit, bien sûr. Mais abadan, il dépasse les limites. Il dépasse les limites et ils ont du mal à s'en remettre, alors que ça change rien à la situation. Les salaf, ils nous ont donné ce genre de conseils. Tu es éprouvé, tu ne voulais pas cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, vous ne savez pas. Essaye de tirer des profits. Surtout avec, si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a tout décrété. Et Allah c'est le hakim. Tout ce qu'il a décrété, c'est avec sagesse. Au départ, tu ne vois pas le bien dans cette chose. Et il y a un énorme bien. Le fait de patienter, c'est un énorme bien pour toi. Même si tu n'arrives pas à tirer plutôt des leçons, ça arrive. Une épreuve. Khasatan avec la fatigue. N'oublie jamais, si tu patientes. Et la patience, c'est quoi? C'est de maîtriser ta langue, tes membres et ton cœur. Tu te tais et tu patientes. Enfin, cette patience, il y a une énorme récompense pour toi. Et s'il n'y aurait que cette hikmah, ça serait largement suffisant. قال أبو حاتم رحمه الله الصبر على ضروب ثلاثة على ضروب أي على ثلاث درجات ثلاث أقسام الضروب c'est الأقسام أي trois catégories الصبر. قال فالصبر عن المعاصي patienter pour ne pas commettre des interdits. هذا ça demande du صبر. لماذا لأن النفس Nafsul insan, elle est attirée par certaines choses, par les shahawat. L'homme, il est attiré par la femme. Les êtres humains, ils sont attirés par l'argent, ils sont attirés par certaines choses qui font du mal au din. Muhim, pour résumer, al-haram. L'être humain, il est attiré par hada. Allez, hada, قال النبي صلى الله عليه وسلم, huffat an-nar bi al-shahawat. C'est pour ça que l'insan, il est attiré par hada. Et ça demande un jihad, ça demande de la patience. Donc, patienter pour ne pas commettre des interdits. Si l'insan ne patiente pas, il se laisse aller, il baisse les bras, enfin, il commettra énormément de péchés. As-sabr ala ta'at, deuxième catégorie. Patienter pour mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patienter pour obéir à Allah azza wa jalla. Ça demande de la patience. Taqaddam an-nafs, en général, an-nafs, elle aime le repos. Elle n'aime pas faire certaines choses. Elle aime le shahawat. C'est pour ça que, ahyanan, l'insan, il a des facilités à regarder des choses futiles. On ne parle même pas du haram. Pendant des heures, en restant debout dans des situations difficiles, et rubama, pour la salade, rester quelques minutes, c'est très très lourd. Un nafs. Ça, c'est un nafs. Lakin had un nafs, il faut la corriger. Et la bud min sabr. As-salat, ça demande de la patience. Ramadan, ça demande de la patience. Al-Hajj, ça demande énormément de patience. Wa hakada jami' at-ta'at. Qal wa as-sabr 'inda ash-shada'id wal-masa'ib. Et بعض العلماء يقولون الصبر على أقدار الله المؤلمة. Bien faire cette précision, المؤلمة. Il y en a certaines choses que Allah il a décrété, tu n'as pas besoin de patience. Des choses bien, tu n'as besoin de patience en rien. Là, al-aqdar illah al-mu'lima. Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'lim, des épreuves qui peuvent rendre triste, etc. Ça demande du sabr. Qala wa afdaluha as-sabr 'an al-ma'asi. Afdaluha, la meilleure de ces catégories, c'est patienter face à al-ma'asi. Et c'est une des plus difficiles, كذلك. Qala fal-'aqil yudabbiru ahwalahu bima yatathabbat 'inda al-ashya' al-thalatha allati dhakarnaha. Les trois aqsam. قال بلزوم الصبر على المراتب التي وصفناها قبل حتى يرتقي بها الى درجه حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر مع نسأل الله الوصول إلى تلك الدرجة بمنه آمين. فالمسلم يدوافر دي زفر. هذا سمن أعظم الجهاد. Tu veux faire الجهاد أخي الكريم ففي جهاد هذا هذه النفس. Essaye de t'améliorer jour après jour. Écarte-toi des ma'asi, ça demandera de la patience. C'est un énorme jihad. كذلك جاهد نفسك pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un énorme jihad. كذلك si tu es éprouvé patience, c'est un énorme jihad. Et كذلك améliore-toi, fais des efforts hatta tu essaies d'atteindre manzilat al-rida, la satisfaction face aux épreuves. C'est un énorme jihad. أعظم من ذلك faire des efforts pour atteindre manzilat al-shukr, être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala même si on est éprouvé. قال رحمه الله ولقد أنشدني عبد الله بن الأحوص تعزى بحسن الصبر عن كل هالك ففي الصبر مسلات الهموم اللوازم. أي نعم السلوان إلى في الصبر أي être consolé, être apaisé, c'est avec الصبر lors de l'épreuve. قال إذا أنت لم تسأل استبارا وحسبة سلوت على الأيام مثل البهائم. الإنسان s'il patiente pas, s'il patiente pas au départ et l'épreuve elle dure, est-ce que l'épreuve elle va disparaître là? فيوم من الأيام يباسيانترا. Il n'a plus le choix. بعضنا صحيح au début de l'épreuve ils vont à droite à gauche, ils lèvent la voix, بعضهم ils accusent, بعضهم et à la fin ils se rendent à l'évidence. بعضنا مثلا après avoir crié, insulté, maudire, etc. à la fin ils disent قدر الله. هذا معنى هذا البيت. قال سلوت على الأيام مثل البهائم. Si tu patientes pas comme un mu'min, tu patienteras comme une bête. هكذا قال. Les bêtes elles patientent. Certaines bêtes elles patientent énormément. Elles portent des charges lourdes, elles sont fouettées. Certains propriétaires ils les nourrissent mal. Mais là tu trouves pas les bêtes en général qui se rebellent là. Une bête elle patiente جدا لماذا؟ لأن الله les a créés comme ça pour que l'insan puisse en profiter. خاصة quand on a dit le genre de bêtes qu'on a cité, les bêtes domestiques. On revient à l'être humain. Si tu patientes pas, à la fin tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix. Cette maladie elle est là, elle est là. Tu as perdu ce proche, tu l'as perdu. À la fin tu te rendras à l'évidence. Lakin, celui qui n'a pas patienté au départ, il n'a pas la récompense du sabr. لماذا لأنه son sabr c'est مثل صبر البهائم. Il n'a plus le choix. C'est pas une adoration qu'il a fait là. Même les kuffar, tu crois que les kuffar quand ils perdent un proche ils sont pas tristes? Ils sont très tristes. Certains ils dérivent dans l'alcool, d'autres ils se suicident, d'autres ils insultent, d'autres ils ne patientent pas face aux épreuves. لكن كثير منهم à la fin ils se rendent à l'évidence, خلاص ils reprennent leur vie. Donc هذا c'est pas من الصبر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم quand il est passé devant cette femme, radiyallahu ta'ala anha, qui pleurait pour son fils, il est passé devant une maqbara et une femme, elle était devant une tombe et c'était son fils et elle pleurait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé vers elle et il lui a dit de patienter, smiri. Et cette femme, elle n'a pas reconnu le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, bima'na kalam, bima'na al-kalam, tu n'as jamais subi ce que j'ai subi, il a akhir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il l'a laissé. Ça c'est la hikma fi da'wah. Tu montres. Quand tu vois que celui en face il n'est pas prêt à accepter, il perd ses moyens, tu as montré. Mais rester Obama, ça peut impliquer des choses très très graves. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Quand il est parti, certaines personnes ils sont venues voir cette femme, ils lui ont dit c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à qui tu as parlé. Elle a regretté jiddan. Elle est partie le voir. Et elle s'est calmée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit innama as-sabr 'inda as-sadmati al-oula. Il lui a fait comprendre la patience c'était au départ. عند الصدمة الأولى lors du premier choc quand la nouvelle elle vient c'est la sabr. À m'insulter, s'arracher les vêtements, s'arracher les cheveux, se griffer كما يفعل بعض الجهال أصلحهم الله ثم une semaine après il dit là il faut patienter. Ah, là, c'est pas من الصبر أبدا. قال وأنشدني ابن الزنجي البغدادي غاية الصبر لذيذ طعمها وبديع الصبر منه كالصبر أو كالصبر نعم السكون لا. إن في الصبر لفضلا بينا فاحمل النفس عليه تصطبر. هنا tout comme on a vu auparavant, as-sabr, c'est une cause pour tout le bien. وأنشدني الكوريزي رحمه الله صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم صبرت il a dit j'ai patienté ومن يصبر يجد غب صبره أي ثمرت هذا الصبر celui qui patiente il trouvera dans ce bas monde les fruits de cette patience ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم أي encore plus sucré plus savoureux que le miel. قال ومن لا يطب نفسا ويستبق صاحبا ويغفر لأهل الود يصرم ويصرم. On peut citer un dernier vers de poésie. قال وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري. On lit le dernier vers, il est مفيد. قال مصيبة الإنسان في دينه أعظم من جائحة الدهر. Et ça, كذلك, ça facilite pour patienter. Tant que أخي الكريم هذه المصيبة elle est pas dans ton din. Tant que ton din il est pas touché, enfin, si tu es éprouvé dans ta santé, dans ton argent, etc. Ihmadillahi azza wa jal. Comme les gens ils sont éprouvés dans leur din à cause de leur propre péché, à cause de leur refus d'accepter la vérité, à cause de leur accusation à tort, à cause de leur injustice. Qala azza wa jal wa qad khaba man hamala dhulma. Celui qui est injuste il ne réussira pas. Enfin, si cette épreuve elle touche un domaine de ce bas monde, fahmadillah. Musibatul insan fi dinihi a'zamu. Le fait d'être touché dans son din, c'est beaucoup plus grave min ja'ihati ad-dahr que d'être touché dans une chose de ce bas monde. Hada c'est mufid, ça aide à patienter. Tu es touché par une maladie, par la perte d'un proche ou autre, ihmadillah, tu es ala khair 'azim. Cette dunya elle passera et on le répète, c'est une cause pour être récompensé. Et كذلك, parmi ce qui facilite à patienter جدًا, c'est de regarder l'état des autres. تقدم معنا هذا dans l'étude de الوسائل المفيدة de Cheikh Saadi رحمه الله. Et كذلك, il y a un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. On a fait umur ad-dunya, tu regardes ceux qui sont en dessous de toi. Enfin, si tu es malade, enfin, certains ils ont des maladies beaucoup plus graves. Si tu es touché par certains manquements, certains ils dorment dehors. Si tu as perdu un enfant, certains ils ont perdu toute leur famille. Ça permet de garder les pieds sur terre et ça permet de se calmer. Regarder la situation des autres et ça permet d'aller d'être reconnaissant envers Allah. Alhamdulillah, tu aurais pu être éprouvé par quelque chose de plus grave. قال وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش تجري المقادير إن عسرا وإن يسرا حذرت واقعها أو لم تكن حذرا فالعسر عن قدر ويجري. نعم ويبت فالعسر عن قدر يجري إلى يسر والصبر أفضل شيء وافق الظفر فالعسر عن قدر يجري إلى يسر. On l'a déjà cité et on le répète. أنا كذلك pour aider à patienter, à être satisfait. أنا si Allah t'a éprouvé avec العسر, avec une difficulté, فإن مع العسر يسر. Avec la difficulté, il y a forcément une facilité. والصبر أفضل شيء وافق الظفر. Et on a cité le hadith du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr. Personne n'a reçu une chose aussi bénéfique, aussi profitable que la patience. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi fi madarij as-salikin, il a cité qala yuhki 'an imra'a min al-'abidat. Une femme, ils ont raconté son histoire, elle était connue min al-'abidat. Elle faisait beaucoup d'efforts dans l'adoration. Une femme pieuse. Elle est tombée et elle a perdu son doigt. Elle a ri. Tu ris alors que tu viens de perdre ton doigt. Elle a dit, حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. Vu qu'elle patientait beaucoup, quand elle a perdu son doigt, elle a directement pensé à la récompense. Enfin, le fait de penser à la récompense, elle a su qu'elle était gagnante. Léana, si tu as perdu un doigt, alhamdoulilah, il t'en reste quatre. Tu peux continuer à vivre avec un doigt. Al-amr yassir. فقالت حلاوة أجرها. Et la saveur de la récompense, elle m'a fait oublier cette difficulté. Et si on qadarna, cette femme, elle aurait crié, elle s'aurait arraché les cheveux, elle aurait insulté, elle aurait remis la faute sur les autres. Est-ce que son doigt, il serait revenu? Abadan. Elle aurait perdu son doigt et kedalik, elle aurait des péchés en plus. Amma hadi al-mar'a c'était une aqila, elle a perdu son doigt, elle a patienté et elle a gagné, bi'idhnillah azza wa jal, énormément de hasanat si elle a patienté. Fahada al-fasl, faslun jamil, un chapitre très très profitable. Ces derniers chapitres qu'on a vus, les quatre derniers, avant ou les cinq sur le qana'a, le fait de ne pas demander, le fait de se contenter de ce qu'on a, kadhalik at-tawakkul, placer sa confiance en Allah, la patience, la satisfaction, c'est min anfa'il abwab. Faya ikhwan, ce genre de livre, on doit pas l'étudier une fois et dès qu'on a fini, on le ferme et c'est tout. Là, ce genre de livre, essaye de souvent revenir. Voilà où tu lis certains chapitres, voilà où certaines parties. Ah, certains quand tu as besoin. Le rappel, ça profite aux croyants et le croyant, il oublie. Vous avez remarqué que lors du dars, quand on lit kalam, kalam Allah, azza wa jal, kalam an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kalam sahaba radiyallahu anhum, kalam ahl al-ilm, des vers de poésie très très bénéfiques, tu sens que l'iman y monte. Lakin avec le temps, et c'est min hikmatillahi azza wa jal, pour que on n'arrête pas de faire des efforts. Si on arrête les efforts, le iman il redescend très très vite. Fali hadha mulazamat at-talab. Être régulier fi talab al-ilm et dans les cours et dans la lecture. Et kadhalik an-nasiha fi ma baynana, ce conseil entre nous, c'est très très profitable pour la foi du croyant. On peut citer pour finir quelques fruits du sabr. Awalan as-sabru ala adha an-nas. Patienter face aux injustices des autres. Al-Mu'min, parmi les épreuves qu'il rencontrera, ça sera le fait d'être confronté aux autres. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de nous, il a fait qu'on est une fitna pour l'autre. Tu es une fitna pour ton épouse c'est une fitna pour toi. Tu es une fitna pour ton voisin c'est une fitna pour toi. Tu es une fitna pour les gens dans la rue. Les gens dans la rue, c'est une fitna pour toi. Qala Azza wa Jal, atasbiru. Est-ce que vous allez patienter? Falihada, vu qu'on vit avec des gens, on n'est pas seul. On a des familles, on a des voisins, on vit dans des endroits où il y a des gens, c'est normal. Falabud min as-sabr. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-muslim idha kana mukhalitan lin-nas, wa yasbir ala adhahum khayrun min al-muslim, alladhi la yukhalit an-nas wa la yasbir ala adhahum. Celui qui se mélange aux autres, bien sûr, tant que le fait de se mélanger, ça n'implique pas un mal plus grand. Mais si ce mélange, il est faible et les gens, ils peuvent le pousser à sa perte, il s'écarte. Lakin, ça c'est mufid jiddan pour adda'i ila Allah. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné du ilm, de la patience. Enfin, s'il se mélange aux autres, l'échec, un tel minannas, il parlera mal. Un autre, il accusera. Les gens en général ils sont jamais d'accord. Tu trouveras même quelqu'un, il n'est pas d'accord. Mais celui qui patiente, il est mieux que celui qui ne se mélange pas aux autres et il ne patiente pas. L'imam Ali, celui qui se mélange aux autres et patiente, il est considéré comme mujahid fi sabilillah. Al-hadith rawahu al-imam Ahmed, ou hakada l'imam al-Tirmidhi, et Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a sahah dans al-Sahih. كذلك الصبر سان سبب عظيم لعافية القلوب والأبدان. On a fait une kalima il y a quelques semaines sur les causes de la guérison, أسباب الشفاء. Et ما أظن on avait cité هذا السبب العظيم. حقيقة on aurait dû le citer, لكن قدر الله. الصبر c'est une énorme cause لعافية القلوب والأبدان. Pour préserver son corps et son cœur contre les maladies. كيف هذا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأكثر أسقام البدن والقلب تنشا من عدم الصبر. La plupart des asqam, c'est les maladies, les problèmes dans le cœur ou dans le corps, c'est à cause d'un manque de patience. لماذا؟ لأن le corps humain, خاصة عند خبر عظيم, l'être humain, si il ne patiente pas avec certaines informations, il peut perdre la raison. Il peut se faire du mal à son corps. Il peut tomber malade directement. Et vous l'avez, Obama, déjà entendu. Un homme, quand ils ont appris la mort d'un enfant ou autre, ils ont perdu l'usage de leurs jambes. Ils ont fait des arrêts cardiaques. Ils ont eu des maladies graves. Les mains, à force de réfléchir, à force de se lamenter, de regretter, de mal dormir, ça les rend malades. قالوا أكثر أسقام البدن والقلب تنشى من عدم الصبر فما حفظت صحة القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر. هذه سين فايدة. ça fait partie des plus grandes causes pour se guérir. تذكرون, on avait cité dans la kalima, dans la muhadara qu'on avait fait, des causes شرعية في القرآن والسنة. Comment on avait cité des causes de la médecine, etc. Enfin, cette cause, on la rajoute dans le premier qisme et les causes shar'iyya qui sont citées dans le Coran ou le Sunna, la patience. قال والأرواح بمثل الصبر. نعم. فهو الفاروق الأكبر والترياق الأعظم وإن لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم. Et si dans le sabr, مع أن la patience c'est une cause pour être préserver son corps et son cœur des maladies, de tout ce qui peut faire mal. Si, fi hada al-sabr, il n'y aurait que ces deux choses. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'a al-sabr. Si tu patientes, Allah il est avec toi. Kama qala Allahu azza wa jal, inna Allah ma'a al-sabirin. Qala wa mahabbatihi lahum. Kadalik Allah il aime ceux qui patientent. Wallahu yuhibbu al-sabirin. Hakada qala Allahu azza wa jal, fi al-Qur'an. Kadalik al-sabr zadun azim. Hada taqaddam ma'ana dans le cours. Anna al-sabr, la patience, c'est une énorme provision. On est tous en voyage. Depuis que Allah t'a créé dans le ventre de ta mère et tu te déplaces, tu bascules d'étape en étape. Tu étais dans le ventre de ta mère, Thoma, tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais bébé, Thoma enfant, Thoma jeune, Thoma la vieillesse, il a akhri. Hatta l'insan yamoud. Toutes ces étapes, c'est un voyage. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il a un kalam jamil fi hada qu'on a vu auparavant dans Risalat al-Tabukiyya. فقال ابن القيم رحمه الله في الفوائد فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. Celui qui n'a pas de patience, qui ne patiente pas, c'est comme s'il voulait voyager par la mer et il n'avait pas de bateau. On قدر qu'il est très très fort dans la natation. C'est un professionnel, on قدر. On cadre, même tu prends le professionnel, le meilleur nageur parmi les professionnels. Combien il va nager? 1 km, 10 km, 50 km. Tout le monde s'y étape. Mais tout le monde, ils n'arriveront pas à dépasser 20 mètres, 10 mètres, la plupart des gens. Enfin, celui qui n'a pas de patience, il lui manque cette provision. C'est comme s'il voulait traverser la mer sans bateau. Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va 1 mètre, 2 mètres, il va se noyer. Hakada hadi dunya. Celui qui n'a pas de patience, il est à la khatar. Limadha? Li'anna l'être humain, il est exposé à beaucoup d'ennemis. Son neuf, son âme, al-shaytan, les ennemis de l'islam, les innovateurs, les ignorants. Kadhalik les épreuves, kadhalik ma qaddarahu Allah, ce qu'Allah il a décrété. C'est l'insan, il n'a pas de quoi se protéger, se préserver. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en Allah, patienter, faire les causes. Enfin, il est à la khatr azim. Et regarde l'état des koufars. Ils sont dans une situation critique. Limadha? Li'annahum, ils n'ont pas de patience, ils n'ont pas d'iman. Ils n'ont rien, ils vivent comme des animaux. Akhzahum Allah. Walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Hakada qala azza wa jalla. Yatamatta'un wa ya'kulun. Ils profitent. Ya'kulun, ils mangent. Kama ta'kulu al-an'am, comme les animaux. Wan-naru mathwan lahum. Le refuge, ça sera le feu. فاحذر اخي القريب. كذلك الصبر سمفتاح النصر. النصر c'est le secours. En tant que mu'min, on espère tous le secours de la communauté. خاصة اخواننا المستضعفين, que ça soit en Chine, que ça soit en Birmanie, que ça soit au Yémen, que ça soit في البلدان où certains croyants ils sont opprimés. Enfin, on espère tous النصر. Et on doit faire les causes. Et min a'zam al-asbab, c'est ad-du'a. Ne pas les oublier dans nos invocations. Et هذا النصر, il a une cause. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النصر مع الصبر. On doit patienter. Amma, ce que certains ignorants ils font dans la rue, ils crient des manifestations. هذا ça changera rien. Ça changera rien. Pour certains conflits, ça fait 30, 40 ans qu'ils font des manifestations, ça change rien. Voilà, c'est pas une cause. La cause, c'est faire de patienter et apprendre son dîn. Le jour où une génération de musulmans, ils auront un des sabr ou tawakkul à Allah avec ma'rifatullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donnera le secours. Maintenant, on vit dans une époque où al-dha'f, il est ghayr yassir. Énormément de faiblesses dans beaucoup de points. Enfin, on doit patienter et on doit faire hadha al-jihad al-azim avec al-ilm. Propager la science. Amma al-umma n'est pas prête pour un conflit. Abadan, kama qala ahlul ilm. Al-jihad, il a des conditions. Et parmi les conditions, c'est al-quwa. Lakin al-umma est fi dha'f kabir. Enfin, on doit patienter, faire du'a et apprendre notre din. كذلك الصبر سبب للعز في الدنيا والآخرة. La patience c'est une cause. كذلك pour être honoré في الدنيا والآخرة. العز c'est le contraire de être humilié. Tu as ذل et tu as العز. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تجرع الصبر فإن قتلك شهيدا وإن أحياك عزيزا. Fais des efforts pour être patient. Si cette patience, elle te pousse à mourir, bi'idnillahi azza wa jal, tu mourras shahid en tant que martyr. Si tu restes vivant, tu vivras avec hadhihi al-izza, avec cette fierté de musulman. Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever et t'élever va t'honorer. Wa akhiran ta'ammal akhi al-karim qawl Allah azza wa jal. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إصلوها أي النار. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدير أكفار إصلوها أي rentrez في النار rentrez dans le feu. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. Patientez ou ne patientez pas, c'est la même chose. إنما تجزون ما كنتم تعملون. Allah il est juste. Allah, s'il châtie une personne, s'il châtie un peuple, c'est que cette personne ou ce peuple, il mérite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste envers personne. فَلْنَصْبِرْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. On doit patienter dans ce bas monde. قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنْفَعْ وَلَا يُفِيدْ فِيهِ الصَّبْرِ. On doit patienter, ikhwan, fi hadhihi الدُّنْيَا. C'est une ibadah azima. Ne pas suivre nos patients. Ne pas se laisser aller. رُبَمَا الْإِنسَانِ يَهْلَكْ. Et يَوْمَ الْقِيَامَةِ il regrettera. Al-Kuffar, ta'ammalu, an-al-kafir fil-nar, la notion de patience, elle n'existe plus. Ça, c'est un wa'id shadid. Fasbiru ou la tasbiru. Patiente ou ne patiente pas, c'est pareil. Fi hadhihi dunya, même si un frère, il est éprouvé maintenant par la prison, même une grosse peine, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il pourra tenir. Les manadal, il a cet espoir. Khassatan, s'il est à la khayr, s'il a subi une injustice, alhamdoulilah, imma il sortira de cette prison vivant, imma il sortira mort. À la kulihal, il sortira. Il a cet espoir. Et alhamdoulilah, en prison, khassatan dans certains pays, il y a un certain confort. Et si patient, il est fait khayr. Bel, man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire des efforts fil ilm. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on a cité souvent là, certains de ses ouvrages, beaucoup de ses ouvrages, il les a écrits en prison. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, al-imam, al-muhaddith, il a اختصر صحيح مسلم في prison. Il a été condamné à une peine assez courte à l'époque, injustement, rahmatullah alayh. Et fait siège en prison, il avait que صحيح مسلم, l'original, avec un crayon. Il avait rien d'autre. Et rahmatullah alayh, il espérait depuis longtemps résumer صحيح مسلم. Et là, صحيح مسلم, l'imam مسلم, il cite un hadith. ثم il cite beaucoup de chaînes de transmission. Enfin, Robin, pour certains, khassatan min al-awam, ils ont beaucoup de mal à le lire. Enfin, il l'a résumé, rahmatullah alayh. Il l'a résumé en 3 mois. C'est devenu une référence. Bel Cheikh Al-Albani, rahmatullah, c'est un de ses livres préférés. Allah waffaqa. Wa akhbara Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, annahu il n'a pas vu le temps passer. Ta'ammalou ya ikhwan. A'immatu as-sunnah, comment ils réagissaient face à l'épreuve. Amma, ce que certains ils font, des grèves de la faim. Ba'dahum, iyadam billah, ils incendient leurs cellules. Ba'dahum, ils n'arrêtent pas de crier matin et soir, ça les fatigue. Robama, des gardes, ils le tuent et ils accusent ce détenu d'un suicide. Ça arrive souvent. Amma, alhamdulillah, il est seul, il subit une injustice, il en a profité. Et il est sorti. Et il est mort à la khayr. Alayhi rahmatullah. Fa hada wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq والسداد، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين الراضين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.